Yes, I, my damn show. Digital woke up. Oh, yes, I, that's it. That's the test image to sound, nigga. Lion Prince on system. You know. Les mêmes ambitions de sortir de cette merde avec nos propres convictions. Le reste est toujours droit, d'aller toujours dans la bonne direction. Mais je ne suis qu'un euro, c'est pour ça que j'essaie d'avancer malgré mes fautes, mes fausses notes. Tous ces bambouka qui veulent boycotter. Comme un vrai laïo, je resterai comme un vrai laïo. N'a pas pu résister aux tentations qui te sont liées. Et tu sais de les repérer et te corriger à quel même si tu tombes dans la fosse de l'erreur, garde la foi pour te relever. Ce qui ne tue pas rend plus. Thank you.